Alors, Jules, on vous retrouve, bien des choses ont été dites. Il reste finalement que les uns et les autres puissent notamment prendre leurs responsabilités, notamment le cas du Tchad ici qui est davantage indexé pour un rôle pas très catholique, en tout cas vis-à-vis de la République centrafricaine. Oui, je pense que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire le procès de la République du Tchad. Nous sommes là pour analyser les faits et pour tirer la sonnette d'alarme de ce qui se dessine. Je tiens à préciser à l'opinion africaine que le gouvernement centrafricain vient de commettre un communiqué. Si la réalisation peut nous afficher ce communiqué, dans lequel il dénonce la lettre qu'il a reçue de ce groupuscule rebelle en gestation, soi-disant rébellion du Tchad, qui voudrait prêter main forte à une institution. Vous voyez, quand on chosifie un peuple, un État, quand on en est à chosifier un État, cette situation, je vous le dis, elle est voulue par la France. C'est la France qui refuse la levée d'embargo sur les armes en Centrafrique. C'est la France qui milite au Conseil de sécurité pour qu'on ne lève pas l'embargo sur les armes, pour qu'on ne permette pas aux militaires centrafricains, aux 25 000 hommes formés, d'être outillés afin de défendre l'intégrité territoriale de la RCA. C'est la France qui met des campagnes contre le régime de Bangui. C'est la France qui jette l'opprobre sur les dignes actions louables menées par le président professeur Faustin Archange Touadéra. Et aujourd'hui, on apprend que c'est la même France qui part derrière, renvoie ses services de renseignement, commettre ce type de proposition à un gouvernement démocratiquement élu. Vous voyez la manipulation? Voilà comment on manipule. Voilà comment les services français manipulent. Alors, le président Touadéra et son gouvernement viennent de servir une réponse à ceux-là qui essaient de manipuler les deux peuples, à ceux-là qui se battent pour qu'il y ait une guerre transfrontalière entre la RCA et le Tchad. Malheureusement, cette guerre n'aura pas lieu. Lisez le communiqué du gouvernement, vous allez comprendre que le mathématicien de Bangui a cerné le problème, il a compris la manipulation, il a pondu ce communiqué pour échapper, pour éclairer la lanterne des Africains, la lanterne de la communauté internationale, la lanterne des panafricanistes. Vous devez comprendre que le sang des Africains ne coulera pas par la faute du président Touadéra. Jamais. Jamais il n'acceptera que le sang d'un Africain coule par sa faute. C'est pour cela qu'il a fait ce communiqué, pour dénoncer cette démarche et pour dire au peuple frère du Tchad que jamais la RCA ne va conspirer contre le Tchad, pour dire au peuple tchadien, aux populations tchadiennes, que ce peuple centrafricain a toujours accordé son hospitalité au peuple tchadien depuis les années 80, pendant qu'il y avait la guerre civile au Tchad. Les Tchadiens se sont retrouvés en Centrafrique, accueillis, encadrés, hébergés. Beaucoup sont devenus centrafricains aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la communauté tchadienne qui est venue croître les rangs musulmans en Centrafrique. Donc, depuis la nuit des temps, les peuples tchadiens ont toujours eu leur place en Centrafrique. Quand vous arrivez dans ce pays qu'on appelle la RCA, dans cette ville qu'on appelle Bangui, vous avez un quartier qui s'appelle le kilomètre 5. Le kilomètre 5 est composé à 70% des ressortissants tchadiens. Depuis l'arrivée du président Touadéra au pouvoir, aucun tchadien n'a été inquiété en Centrafrique. Aucune communauté, aucun membre de la communauté tchadienne n'a été menacé. Le président Touadéra protège tous les étrangers qui sont en Centrafrique. Et donc, nous demandons, nous peuple d'Afrique, nous demandons au président Déby de demander aux Français, de demander à l'armée française de faire sa projection de base militaire à la frontière avec la Libye. C'est là-bas qu'il y a une menace. C'est là-bas qu'on attend la coopération militaro-franco-tchadienne. On l'attend au sud, au nord de ses frontières avec la Libye. Oui. C'est là-bas que la menace est visible. Qu'on cesse de fabriquer une pseudo-menace en Centrafrique. Il n'y a aucune menace en Centrafrique contre la République du Tchad. On s'attendait à ce que la coopération militaire entre le Tchad et la France soit active sur les zones de menace. Et les zones de menace aujourd'hui, c'est la frontière avec le Tchad, une partie de la frontière avec le Soudan, tchado-soudanaise. Les zones de menace réelles ne sont pas la frontière avec la RCA. Donc, tout ça est une stratégie pour entraîner un chaos. Ce chaos ne sera pas profitable au Tchad. Encore moins profitable à la RCA. Surtout pas profitable au Cameroun. Ce chaos ne sera profitable qu'à la France, qui va en profiter pour se repositionner dans le jeu de la géostratégie internationale. Et justifier sa présence sur notre sol, dans le golfe de Guinée. Parce que ce que vous devez savoir, la France est isolée, abandonnée. La France est considérée aujourd'hui comme un rebut. Même son allié naturel, les États-Unis, travaille aujourd'hui pour sa paix. Réalise que la France pue. Elle sent mauvais. À cause des Français, les Russes sont revenus en Afrique. À cause des Français, les accords de Minsk ont été bafoués. À cause des Français, les Russes ont repris position dans la géostratégie internationale, particulièrement pour ce qui est du contrôle du golfe de Guinée, qui détient 24 milliards de barils de pétrole. Les réserves du golfe de Guinée, c'est-à-dire les réserves de pétrole, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Congo, Angola, Tchad, une partie du Nigeria, s'évaluent entre 24 et 35 milliards de réserves. Par la faute de la France, par l'idiotie de la France, par l'aveuglement politique, le manque de vision de l'élite politique française, les Occidentaux ont perdu le golfe de Guinée. Et les Américains ne sont pas prêts de faciliter la tâche, de pardonner cette connerie, cette bêtise à la France. Parce que les États-Unis avaient donné la gestion, avaient sous-traité la gestion du golfe de Guinée à la France. Et donc aujourd'hui, les Américains eux-mêmes reviennent dans le jeu. Il faut donc comprendre que la France ne peut s'en sortir que si elle réussit à créer une guerre transfrontalière entre le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. C'est ce chaos qui est planifié par les bases de Gorée. J'ai expliqué lors de ma première intervention. Donc, faisons attention. Soyons vigilants. Les Africains doivent se lever tous comme un seul homme pour dire non. Tous. Je vais interpeller ici M. Tchassep, le président de la jeunesse des jeunes de la CEMA. Il est temps de jouer votre rôle. Nous jouons le nôtre sur ce plateau. Les activistes terrain doivent jouer le leur. On n'est pas président des mouvements jeunesse d'un homme. On doit joindre les paroles aux actes. L'intelligence des jeunes de la CEMAC est confrontée à une rude épreuve. Les intelligences de la CEMAC doivent démontrer aujourd'hui que les réformes que la CEMAC a confiées au président Touadéra doivent s'opérer. Et la base militaire de Gorée a pour objectif principal d'empêcher le président Touadéra d'opérer aux réformes qui lui ont été confiées, mandatées par ses pairs de la CEMAC. Malheureusement, l'armée française n'arrive pas là d'elle-même. Un autre père de la CEMAC est en train de forcer les dons. J'accuse ici ouvertement, devant l'Afrique tout entière, mon frère le président Déby. Je l'accuse. Il est porté sur le banc des accusés. Pourquoi cette base militaire à Gorée, plutôt qu'au nord du Tchad, où la Libye, la Libye héberge des rebelles tchadiens? Pourquoi cette base n'est pas à la frontière de la Libye? Pourquoi cette base est à la frontière avec la RCA? Je pose la question au président Déby et j'attends une réponse. Le peuple africain attend une réponse. Les jeunesses d'Afrique centrale attendent une réponse. La jeunesse tchadienne qui nous a interpellés sur ces questions attend une réponse, monsieur le président. Expliquez au peuple d'Afrique ce que va chercher l'armée française à Gorée. Afrique Média, le monde, c'est nous.